إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Nous sommes maintenant au cours numéro 13 sur le livre qui s'appelle Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslima, les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes dans l'épître qui parle des preuves du Coran et de la Sunna des sept obligations par tout compte. Excusez-moi, des sept conditions de validité de la parole La ilaha illallah, qui sont au nombre de sept. Et nous avons donc fini au dernier cours, Al-Inqiyad. Nous avons parlé notamment de la prière, comme quoi, pour beaucoup de savants, c'était la majorité de la parole des salafs. Dans les trois premières générations, la majorité des salafs disaient que c'était ceux qui délaissaient la prière étaient un kafir, murtad, apostat. Nous avons aussi, mais qu'il y avait eu Ijmar dans une période de ces trois, c'est la première période, la meilleure période en Aqida et en Ijmar aussi, bien entendu, c'est la période des Sahaba. Et notamment à notre époque, ceux qui ont dit comme quoi il y avait Ijmar des Sahaba, comme quoi ceux qui disaient la prière étaient un kafir, et bien Ibn Baz et l'Uthaymin. Et nous avons vu, bien entendu, bien avant eux, Ishaq ibn Rahawai, rahimahullah. Qui était un contemporain de l'imam Ahmed, rahimallah, qui disait la même chose, qui avait ijma', notamment des sahaba. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de quand la personne devient kafir quand il délaisse la prière? Une prière ou quand il délaisse toutes les prières? C'est-à-dire que quand la prière en elle-même, elle est délaissée. À notre époque, Ibn Baz, rahimahullah, disait que c'était une seule prière. Donc la personne qui délaisse seulement une seule prière, il est kafir. D'accord? Ça fait beaucoup de monde, mais c'est comme ça. C'est Allah Azza wa Jalla qui décrète ou pas. Donc la personne qui croit, qui est persuadée que c'est cette parole-là qui est juste, n'a pas à voir si oui ou non, ah, ça va faire beaucoup de monde, je vais faire de takfir sur trop de monde, je fais non, ça, tu as commencé à t'égarer. On ne juge pas par rapport à oh, ça fait beaucoup de monde, pas de monde, on juge par rapport à ce que l'on voit être juste par rapport au Qur'an et à la Sunna. D'accord? Donc une seule prière. Et ça, les fatwas de Ibn Baz sont clairs sur ceci. Et c'est aussi la fatwa notamment de la Lejna. Alors Uthaymin, rahimahullah, disait lui disait non, il faut que la prière en elle-même, c'est-à-dire que il faut qu'il fasse aucune prière, il faut que la prière, c'est-à-dire la prière, les cinq prières, il faut qu'il fasse aucune prière. Celui qui ne fait plus du tout de prière, celui-là est mécréant. Alors, certains se basent notamment sur la parole de Ishaq ibn Rahawai, qu'on a vu hier, donc le cours au dernier, où il disait que celui qui devient mécréant, au moment où l'horaire de la prière est sorti, d'accord. Donc, notamment Ibn Baz et autres se basent sur ceci, sur cette parole de Ishaq ibn Rahawai. Alors, Uthaymin rahimahullah, et c'est aussi l'avis du cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc, le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit non, c'est celui qui a délaissé la prière, c'est-à-dire qu'il ne fait plus deux prières. Et sur quoi il se base? Et cet avis est le plus juste, inshallah. Sur quoi il se base? Sur le hadith que nous avons vu notamment au cours dernier, qui est dans le Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna bayna rajuli wal kufr wa shirk tarka as-sala. D'accord? Donc là, nous voyons bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière. Je vous répète le hadith. Inna, certes, bayna rajuli wa bayna shirk wal kufr, entre l'homme et entre le shirk et le kufr, qu'est-ce qu'il y a? Tarka as-salah. Le délaissement de la prière. Et notamment, donc, le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et à notre époque, al-Uthaymin, disent ceci. Le mot as-salah, c'est avec un alif ou al-lam, donc ça veut dire la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit tarka salatin, le fait de délaisser une prière. Car s'il aurait dit le fait de délaisser une prière, donc là oui, c'est vrai, celui qui délaisse une prière, eh bien il est devenu kafir, murtad, comme c'est la fatwa de Ibn Baz. entre parenthèses, et ceux qui nous entendent parmi les murji'a de cette époque, parmi les madakhila et autres, n'oubliez pas ceci, que le cheikh Ibn Baz, rahimahullah, faisait le takfir pour celui qui délaissait la prière, ne serait-ce qu'une seule prière. Donc regardez autour de vous combien il y a de kuffar de mécréants. Si vous ne croyez pas, revenez aux fatwas de l'Ejna et ces fatwas à Ibn Baz, vous le verrez de vous-même. Et ça fait plus que de faire un takfir sur les gouverneurs. Hein. Entre parenthèses. Mais, donc comme je reviens à ce que notamment dire à cette époque à l'Othaymin, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-salat, la prière. Donc c'est le fait de laisser la prière. Et quand on dit la prière, c'est pas une prière, mais c'est la prière qui est connue. C'est quoi la prière? Ben, ce sont les cinq prières par jour. C'est les prières que le musulman doit faire. Donc celui qui a délaissé la prière, c'est celui qui est devenu kafir. Et on regarde une personne par exemple qui va prier le Fajr, après le Dhuhr il ne le prie pas, après il prie le Asr, il prie le Maghreb, ensuite il va pas prier le Isha, etc. On lui demande, est-ce que tu as délaissé la prière? Il va dire non, je n'ai pas délaissé la prière, mais j'ai délaissé quelques prières. D'accord? J'ai délaissé des prières, mais je n'ai pas délaissé la prière. Et donc c'est celui qui est en accord avec le hadith. Et c'est ça la parole juste, Inch'Allah, et c'est la parole du cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, celui qui délaisse la prière, c'est-à-dire qui ne fait plus de prière, et c'est lui qui est sorti de l'islam. Voilà. Ceci étant dit, j'aimerais faire, Inch'Allah, un jour, un cours d'environ 40 minutes ou plus sur justement le fait de délaisser la prière et les paroles des quatre écoles sur ceci, avec les arguments, comment aussi répondre aux ambiguïtés qui sont données par ceux qui disent que c'est pas que le fait de laisser la prière n'est pas un kufr akbar, notamment à ce que dit Albani, rahimahullah, avec les hadiths qui se basent, et notamment le fameux hadith de Shafara qui n'arrêtait pas de citer. Et sachez que dans ce hadith, ce hadith-là, normalement dans le hadith de Shafara, il y a la réponse contre lui. Et oui, et Inch'Allah, un jour, on fera ça en voyant au point de vue du fiqh et au point de vue notamment de l'aqida sur ceci, sur le fait de délaisser la prière, mais ça doit prendre du temps. Voilà. Maintenant, une dernière petite chose pour ce qui est des murji'a. On va lire un petit peu ce que disaient les salafs, donc nos anciens, nos pieux prédécesseurs parmi les trois premières générations. Qala la barre du salaf an irja. Donc certains salafs disaient par rapport à l'irja. Huwa dinun yu'jibu al-muluk. C'est une religion qui plaît au roi. Eh oui, au roi, au gouverneur. Wa qala Nadl ibn Shumayl. Qala lil-Ma'mun. Al-Ma'mun, donc c'était justement un khalifa de bien avant, d'accord, parmi l'Abbasiyyin. Al-Ma'mun, ce khalifa, a dit à Nadr ibn Shumayr, rahimahullah, Ya Abul Hassan, al-irja'u dinul muluk. Oh, Abul Hassan, al-irja', c'est la religion des rois, et oui, de ceux qui gouvernent, parce qu'avec al-irja', ils arrivent à amadouer le peuple, et notamment, aussi, surtout les savants, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fin de compte, il n'y a rien à dire, il a la foi. On se tait. Ensuite, nous allons pouvoir, Inch'Allah, lire d'autres paroles de Salaf. Maintenant, nous allons lire la parole de l'imam Ibrahim Nakhai al-Tabiri, rahimahullah. Donc, ce Tabiri, qui est décédé en 96 de l'Hégire, hein, ça fait bien longtemps, ça va faire plus de 1300 ans qu'il est décédé, rahimahullah. Parmi les Tabirines, il a dit ceci. La fitnatul murji'ati akhwafu 'ala hadhihi al-umma min fitnatil al-azariqa. Je vous traduis, la fitna, d'accord? L'épreuve, la fitna des murji'a fait plus peur sur cette communauté que la fitna des azariqa. Ce sont les khawarij, c'est un autre nom qu'on donne aux khawarij. C'est une secte, même une des pires sectes des khawarij qui existent. Donc, pour lui, la fitna des Murji'a est pire, c'est pas pire, elle fait plus peur, donc elle est plus dangereuse que la fitna des Khawarij. Parce que les Khawarij, ils sont durs, elles étaient dures, d'accord, jusqu'à faire le takfir, et justement, ça conservait en fin de compte la religion. Alors qu'avec les Murji'a, tu fais ce que tu veux, tu changes ce que tu veux, avant que tu deviennes kafir, il va se passer beaucoup de temps. Et donc la religion va se pervertir, d'accord. Et il a dit aussi, إبراهيم النخعي رحمه الله. الخوارج أعذل عندي من المرجئة. Il a dit ceci, les khawarij, ils sont plus excusés chez moi que les murji'a. D'accord ? Et je voudrais bien faire ici une parenthèse. Ce que je dis, ce n'est pas aller vers les khawarij et laisser les murji'a. Non. Et An-Nara'i, rahimahullah, ce tabiri, ne disait pas ça. Seulement, les deux font partie de la bid'a. Et les deux doivent être éloignés. On doit s'éloigner des murji'a, on doit s'éloigner des khawarij. Mais quand on regarde les effets que font les murji'a et les effets que font les khawarij, certes, les khawarij, beaucoup de sang tombe, ils vont tuer des personnes, des musulmans, etc. Mais la religion en elle-même, elle va rester. D'accord ? Bien qu'ils vont venir avec leur bid'a. Alors que les murji'a, c'est tout, c'est le contraire, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a rien, mais justement, la religion n'est pas protégée, et, oh, et la religion, elle change, on fait ce qu'on veut dans la religion, ceci est changé, ceci est changé, etc. D'accord? Voilà, donc c'était la parole de ce salaf. Mais comme je vous le dis, les deux doivent être évités. Le deux, c'est pas qu'être évité, mais s'en éloigner. D'accord? Et les gens de la Sunna sont au milieu. Il y a deux extrêmes. L'extrême des Murji'a, l'extrême des Khawarij. Ce sont deux extrêmes. Les Murji'a, c'est la facilité. Et les Khawarij, c'est la dureté. Et les gens de la Sunna, ils sont al-wasat, ils sont au milieu. D'accord ? La voie du milieu, c'est la voie de la Sunna. C'est la voie des Ahlu Sunna wal Jama'a. C'est la voie de ceux qui prennent les Salaf comme pieux prédécesseurs, comme ceux qu'il faut suivre. Ce sont eux les vrais salafiyoun, ce sont eux les vrais sunniyoun. Donc on n'a pas à tendre ni vers une extrémité, ni vers l'autre extrémité. D'accord ? Mais quand on regarde les effets de l'un et de l'autre, on voit que les khawarij font moins de dégâts dans leur religion en elle-même que les murji'a. Ensuite, Al-Awza'i, rahimahullah, a dit ceci. Al-Awza'i, rahimahullah, est décédé en 157 de l'Hégire. Voilà ce qu'il a dit. Kana Yahya wa Qatada tu yakulan. Donc Yahya et Qatada, ils disaient, c'était parmi les salafs aussi. Donc deux. Laysa min al-ahwa'i shay'un akhwafa 'indahum 'ala hadhihi al-ummati min al-irja'. Voilà. Les deux disaient ça. Il n'y a pas parmi les passions. Al-ahwa, les passions, le pire de l'ahwa, c'est-à-dire l'ahwa ou al-bida, les gens de la passion et de l'innovation. Non, il n'y a pas parmi les passions, parmi les innovations, parmi les bidars, d'accord ? Une chose qui fait plus peur à eux que quoi ? Sur cette communauté que min al-irja, que al-irja. La chose la plus peur qu'on a pour cette communauté, c'est al-irja. Parce que l'irja, quelqu'un qui est atteint par l'irja, après il n'a plus peur de tomber dans le coufre. Or, celui qui dit, notamment le livre du cheikh Mohammed ibn Nuhab, rahimahullah, Kitab al-Tawhid, il y a un chapitre, la peur du chic, la peur de devenir mouchlik. Ils ont plus peur de devenir mouchlik, ils ont plus peur de devenir kafir. Et ceci, c'est une caractéristique de qui ? Des munafiqoun. Les munafiqoun n'ont pas peur des péchés. D'accord ? Et ce sont ça, c'est à ça aussi à quoi atteint les Alija, contrairement aux Khawarij. Donc ils ont peur. Et donc ils font attention à ne pas faire de péché, notamment ne pas tomber dans le couf, mais seulement ils ont exagéré. donc, nous allons maintenant, Inch'Allah, prendre la nouvelle condition, qui est Al-Qaboul. Donc maintenant, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit... Dalil al-Qaboul, donc on prend maintenant un nouveau cours. Dalil al-Qaboul, la preuve de l'acceptation. Et là, al-Qaboul, c'est l'acceptation par le cœur. On a vu que l'inqiyad, c'est par le corps, et al-Qaboul, c'est par le cœur. Le fait d'accepter cette parole. La ilaha illallah. Qaluhu ta'ala, sa parole, donc la parole à Allah Azza wa Jal. Wa kazalika ma arsarna min qablika fi qaryatin min nazir. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Et de même, donc je traduis là, وكذلك ما أرسلنا من قبلك. Et de même, nous n'avons pas envoyé avant toi, ô Mohammed. Hein. Il parle, Allah interpelle son prophète Mohammed, avant, min kablika, avant toi. Fi koryatin, dans une ville. Min nazir, d'avertisseur, donc de prophète, de messager. Sans que disent ceux qui sont dédains, qui ont du dédain, qui ont du mépris, donc dans chaque ville. Sans qu'ils disent ces gens-là, donc notamment au prophète, Inna wajadana aba ana ala umma. Certes, nous avons trouvé nos pères ala umma sur une communauté. Alors ici, c'est pas le sens communauté, c'est sur une voie, d'accord, et une religion. Wa inna ala asarihim muqtadun. Et certes, nous, sur leurs traces, nous sommes allés suivre. Donc, ils ont trouvé leurs ancêtres et leurs pères et leurs grands-pères, etc., sur une religion, et donc sur une jambe de couffre, et ils suivent ce qu'ont fait leurs ancêtres. Oh, et il a dit Awalu ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum. Donc, le nazir, l'avertisseur, donc le prophète qui venait, chaque prophète qui venait, le répondait. Et même si je viens à vous avec ce qui est à plus de guidé de ce quoi vous avez trouvé. Sur cela, vos pères, qalou, ils ont dit, donc ils ont répondu, inna bima osirtum bihi kafirun. Donc les gens disaient au prophète, certes, nous, parce que quoi tu as été envoyé, kafirun, nous sommes mécréants, nous mécroyons, nous renions ce qui est avec toi, ce que tu as été envoyé avec. Starfall, voilà, c'est ce que tu as été envoyé avec. Donc la révélation, cette révélation dont tu viens, on la mécroit. Fantaqamna minhum. Alors nous sommes vengés d'eux. Donc Allah Azza wa Jalla dit, alors nous sommes vengés de ces gens. Notamment en faisant périr les peuples qui refusaient la révélation. Fanzur kayfa kana 'aqibatu al-mukaththibin. Alors regarde, donc là Allah Azza wa Jalla interpelle son prophète, et là aussi en fait quand on nous interpelle, quand on dit ça, alors regarde comment était la répercussion de ceux qui ont déclaré donc de mensonge la prophétie. Ceci dans la sourate Az-Zukhruf, le verset 23. Donc ils ont c'est d'aller de l'un parmi les preuves de Al-Qabou, l'acceptation du cœur, accepter la religion, accepter cette parole-là, il a Allah, comme quoi elle est vraie dans son cœur, et donc là, il ne l'acceptait pas. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit, wa qawluhu, et donc et sa parole à lui, et à Allah Azza wa Jal, innahum kanu iza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Voilà. Donc là, c'est en parlant des Quraysh. Innahum kanu idha qila lahum, et certes eux, si on leur disait à eux la ilaha illallah, donc si on leur disait dites la ilaha illallah, yastakbirun, donc le kibr, yastakbir, le kibr les leur prenait, c'est l'orgueil. Wa yakulun, et ils disaient a inna latariku alihatina li sha'in majnun, est-ce que nous allons délaisser nos divinités pour un poète fou. Et voilà comment il décrivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, les sha'in majnun. Il disait que c'était un poète, donc le Coran c'était un poème, c'était juste une belle parole, et il le disait aussi de lui, majnun, c'était un fou. Des fois il disait que c'était un kahin, un devin. Il l'insultait, il l'accusait de choses fausses. Et sachez mes frères et mes sœurs que ceci, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il était vivant jusqu'à nos jours, et après cela viendrait toujours. Les koufars ont toujours insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ont toujours accusé de choses fausses, Il accusait comme quoi c'était un fou, même à l'aide de notre époque. Vous trouvez des gens qui disent que le prophète Mohammed c'était un fou, il faisait ceci, il faisait cela, etc. La propagande ne date pas de notre siècle. Comprenez, la propagande ne date pas de notre siècle. La guerre, parce qu'on peut appeler nos jours des médias, ne date pas de notre siècle. Sachez que à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, allait dans les marchés et disait à voix haute de La ilaha illallah, et appelait les gens à l'islam. Et derrière lui, avec son oncle qui disait aux gens, ne l'écoutez pas, c'est un fou. D'accord? Et les koufars, les mécréants de la Mecque, donc de Quraysh, envoyaient des émissaires dans toute la péninsule arabique pour répandre l'information comme quoi chez eux il y a un fou qui dit n'importe quoi, il faut pas l'écouter, et quand vous venez faire le hajj, surtout éloignez-vous de cette personne, d'accord? Il y avait une propagande, il y avait de l'intox, comme on dit à notre époque. Et ceci ne date pas d'aujourd'hui sur le prophète, d'accord? Le fait de se moquer de lui, le fait de l'insulter, de l'accuser de choses fausses. Et notez bien ici pour ce qui exagère dans l'excuse de l'ignorance. Certains disent, oui, mais à notre époque, les pauvres mécréants. Mais bien sûr, ils ne disent pas mécréants, mais ils disent, oh, les pauvres non-musulmans, d'accord? L'image de l'islam n'est pas vraie, elle est bafouée, c'est ceci, donc on ne peut pas leur en vouloir au pauvre peuple mécréant. Excusez-moi, non-musulmans, parce qu'on leur ment dans les médias, mais nous on le dit, mais oui, mais mon pauvre, il faudra peut-être que tu lises bien et que tu réfléchis bien. Ceci, il existait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci n'empêchait pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahabas de faire le takfir à ceux qui ne croyaient pas en l'islam, bien qu'une mauvaise information, bien qu'il y avait une intox, bien qu'il y avait un travail de fond fait par les koufars pour faire quoi? Pour salir l'image de l'islam et pour salir l'image de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Prenez bien ça en considération. Comme on dit, l'histoire ne fait que de se répéter. C'était une petite parenthèse, nous continuons, Inch'Allah, dans l'argument, dans la preuve de l'acceptation. Donc là, les gens n'acceptaient pas. Yastakbiroun, comme c'est dans le verset ici. Ils avaient de l'orgueil. Je vous dis maintenant, Inch'Allah, comme c'est dans la notation, El-Kibr, donc Yastakbiroun vient du verbe Istakbara qui prend son origine du mot El-Kibr. El-Kibr, c'est l'orgueil. Mais quelle est la meilleure définition du mot El-Kibr? Kibr, qu'on traduit en français généralement par l'orgueil. Quelle est la meilleure définition? Où va-t-on trouver cette définition, la meilleure définition? Est-ce que c'est dans un dictionnaire de langue arabe? À savoir que, sachez-le, les Arabes sont les premiers à avoir fait des dictionnaires. Eh oui, mais c'était avant. À notre époque, les Arabes, ils sont un peu faibles, ils sont fatigués, hein, malheureusement. Donc, est-ce que c'est dans un livre d'arabe que nous allons trouver la meilleure définition du mot kibr, par exemple dans Lisan al-Arab ou dans Al-Qamus, Al-Muhit, etc. Eh bien, nous allons trouver le meilleur des prophètes, la meilleure personne, celui qui connaissait le mieux langue arabe parmi les êtres humains, parce que celui qui connaît le mieux, c'est Allah Azzawajal, mais parmi les êtres humains, c'est le prophète Mohammed, sallam, et il n'y a pas de divergence parmi les croyants. Que ce soit les gens de la langue arabe ou les gens du fiqh ou autre, que celui qui connaissait la langue arabe parmi les êtres humains, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà la définition du mot al-kibr. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Ce hadith est rapporté par Muslim. C'est une partie d'un hadith qui est plus long que ça, mais c'est là que ça nous intéresse. Et elle dit ceci, al-kibr Batar al-haq. Batar al-haq. Ça veut dire quoi le batar? Le mot batar n'est pas très utilisé à notre époque. Avant, c'était plus utilisé. Al-batar, ça veut dire quoi? Al-rad. Ça veut dire de repousser. Al-rad. D'accord? De refuser. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-kibru batar al-haq. L'orgueil, c'est quoi? C'est de repousser al-haq, la vérité, c'est donc de refuser, de ne pas l'accepter. Et donc là, on trouve le contraire de al-kaboul, parce qu'on est dans l'argument du al-kaboul, l'acceptation. Al-kib, c'est le fait de ne pas refuser, donc c'est le contraire de al-kaboul. Et ensuite, il a dit le prophète, wa ghamtun nas, الغمط, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ihtikar, le fait de mépriser les gens. Donc l'orgueil, c'est quoi? C'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. C'est ça le qibl, nom du verbe istikbar. Et là, on voit quoi? On voit que Iblis, le shaitan, il est devenu kafir, mécréant, à partir du moment où justement il a eu du kibr. Et oui. Allah Azzawajal dit au début de la sourate Al-Baqarah, au verset numéro 21. Excusez-moi, ce n'est pas au verset numéro 21. Astaghfirullah, je me trompe de numéro du verset, au verset, excusez-moi, 34. Allah Azzawajal dit ceci. Wa idh qulna lil malaika, et lorsque nous avons dit aux anges, usjudu li Adam, prosternez-vous pour Adam. Et attention, c'est une prosternation de salutation. C'est sujoud de tahiyya. Les sujoud ibada, c'est une prosternation de salutation et pas une prosternation d'adoration. C'était une prosternation de salutation et non pas une prosternation d'adoration. Car avant la révélation du prophète, dans les autres lois d'Allah, Joël, il était autorisé de se prosterner par respect. D'accord? La dernière révélation d'Allah, l'islam, ceci est interdit, afin que cela n'amène pas justement à l'adoration. Donc, Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Fasajadou, alors ils sont tous prosternés. Fasajadou, ils se sont prosternés. Illa Iblis, sauf Iblis. Et comme c'est dans Sourate Al-Kahf, et il est parmi les djinns. Donc les djinns, Iblis n'est pas un ange, et non pas un ange déchu, comme disent les chrétiens, et juifs et autres. D'accord? C'est un djinn qui était parmi les anges. Et on dit notamment, comme vous pouvez trouver dans certains tafsirs, c'était l'imam des anges, et donc il était croyant avant. Il avait la science. Et oui, tenez bien, il avait la science, c'était un savant. Et comme quoi, quelqu'un qui a la science, qui est savant, c'est très dangereux. C'est une véritable responsabilité. Il l'a Iblis, ah bah, il a refusé, donc il a refusé de se prosterner. Pourquoi? Allah, je le dis juste après. Wastakbar, il a eu de l'kibl, l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Comme a dit le prophète, al-kibl, le kibl, c'est le fait de rejeter la vérité. Il a rejeté la vérité. D'accord? Waramtunnes, comme a dit le prophète, c'est quoi aussi le kibl? C'est Ramtounes et Irtikarounes, mépriser les gens. Et oui, il a méprisé Adam. Et voilà. Il n'a pas refusé. Excuse-moi, il a refusé quoi? Il n'a pas fait un simple péché. Iblis n'a pas fait un simple péché. Il n'a pas refusé un ordre d'Allah par le péché. Il a refusé cet ordre-là même. Il a fait ce qu'on appelle al-istihlal. Parce que il a mis en cause l'ordre même d'Allah Azzawajal. D'accord? Quand Allah lui a demandé pourquoi il ne s'est pas prosterné, il a bien dit, parce que tu nous l'as fait de terre, comme tu m'as fait de feu. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas à me prosterner de feu. C'est-à-dire qu'il a remis en cause la loi d'Allah. Il a remis en cause l'ordre d'Allah. C'est comme quelqu'un qui dit, non, non, l'alcool, ce n'est pas haram pour moi. Pour moi, c'est autorisé, l'alcool. Celui qui dit ça, il devient kafir. D'accord? Il devient kafir parce qu'il a renié ce que Allah a décrété. D'accord? Donc Iblis, la'natullah alayhi, a renié, a fait ce qu'on appelle l'istihlal. D'accord? Il a remis en cause l'ordre même d'Allah Azzawajal. D'accord? Et il a méprisé Adam. Il a dit, comment ça? Moi, je suis créé de feu, lui de terre boueuse, je vais me prosterner, bien sûr, une prosternation de salutation, mais normalement, qui doit être faite que d'une personne qui est plus basse à une personne qui est plus haute. Non. Et voilà. L'orgueil. Nous revenons maintenant, inshallah, à ce qu'a dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Il a dit, wa min as-sunna, et parmi la sunna, donc parmi les preuves de la sunna, comme quoi elle kaboul, l'acceptation du cœur de cette parole, d'accord? L'acceptation de cette parole, c'est une condition de validité de la ilaha illallah. Il a dit ceci, le cheikh, ma sabata fi sahih, ce qui a été confirmé dans le sahih. Donc je vous rappelle encore, quand le mot sahih est donné dans cette contexte-là, ça veut dire ce que le hadith qui va venir, il est soit dans le Sahih al-Bukhari, ou soit dans Sahih al-Muslim, ou soit dans les deux, mutafakun alayh. Voilà. An Abi Moussa, de Abi Moussa, donc al-Ash'ari, radiallahu anhu, anin Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit ça, mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm. L'exemple. Comme quoi Allah azawajal m'a envoyé avec, comme huda, comme al-huda, comme la guidée. والعلم et la science العلم كمثل الغيث الكثير c'est comme l'exemple de la pluie abondante أصاب أرضا qui atteint une terre فكان منها نقية propre pure نقية قبلت الماء elle a accepté l'eau. Et là, le verbe, c'est là, parce que c'est là qu'il va, notamment le cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab rahimallah, prend argument. Qabila, le verbe Qabila, donc le masdar Kaboul, l'acceptation. Elle a accepté l'eau, d'accord? La pluie. Fa'anbatat al-kala. Et donc, elle a fait pousser al-kala. Donc, al-kala, c'est notamment le pâturage, ou al-ushb al-kathir, et la verdure, et beaucoup de verdure. Wa kanat minha. Ajadib, il y avait parmi elle, parmi cette terre qui a été atteinte par la pluie, donc elle avait une partie de la terre qui était une bonne terre, qui a accepté l'eau, et qu'elle a accepté d'une l'eau, et donc qu'est-ce qui s'est produit? Ben, il y a eu du pâturage et beaucoup de verdure, et une autre partie de la terre, Ajadib, qui était Ajadib. Donc là, on va voir ce qu'il a dit. Donc l'imam Nawawi, rahimullah, qui est décédé en 676 de l'Hijri, a dit dans le mot Ajadib, il y a l'ard alati. C'est la terre qui, donc le pâturage pousse. Ensuite, excuse-moi, il faut que je revienne sur le texte. Amsakatil ma, elle a retenu l'eau. Fanafa'allahu biha an-nas. Donc, Allah en a fait profiter les gens. Fasharibu wasaqaw wazara'u. Donc, ils en ont bu et ils ont irrigués, ils en ont fait boire d'autres, ou à Zalaou, et Zalaou, ils en ont planté, ils ont fait des cultures. Ensuite, et donc cette pluie a atteint une autre partie. Innamahia Ki'an. Et elle n'est, donc cette autre partie, elle est que Ki'an. Et comme a dit An-Nawawi, rahimahullah, par rapport au mot Ki'an, c'est le pluriel de al-qa'r. Et c'est la terre qui est plane. On a dit al-malsa'u. Al-malsa', donc plane et qui est lisse. On a dit alati la nabata fiha. C'est celle qui n'a pas de plante, c'est-à-dire qu'il n'y a rien ne pousse. D'accord? Et en fin de compte, qu'on prend les trois définitions. Une de ces transitions, ça veut dire que l'eau ne reste pas et l'eau part, et donc en fin de compte, rien ne pousse sur cette terre, ou vraiment très peu. Mais par contre, elle retient l'eau, c'est-à-dire que c'est une eau qui, c'est une terre qui retient l'eau, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'eau qui va stagner, mais il n'y a rien qui pousse de cette terre. Amsak, comme a dit le prophète, Amsakat il m'a. Estherfullah, excusez-moi, parce que je sais plus. Estherfullah, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Donc, c'est cette terre qui est plane et qui est lisse, elle ne retient pas l'eau, d'accord? Rien ne pousse sur elle, donc, parce que justement, le prophète a dit, La tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Elle ne retient pas l'eau, et quoi d'autre? Rien ne pousse, elle ne fait pas pousser de pâturage, d'accord? Parce que soit. Comment dirais-je? Par rapport aux trois exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première terre, c'est la meilleure terre, c'est celle que une terre où il va y avoir de l'eau qui va stagner, où les gens vont profiter, et en plus, la terre va, comment dirais-je, va pousser du pâturage. Et une autre terre où ça va où où comment dirais-je, il va y avoir l'air va être la terre va recueillir et va garder de l'eau, donc on va pouvoir en puiser de l'eau, mais en plus cette terre-là va produire du pâturage, c'est encore mieux. Et la troisième terre, c'est celle qui ne retient pas l'eau, donc il n'y a pas d'eau, l'eau part directement, donc même pas, elle retient même pas l'eau pour pouvoir pour qu'on puisse s'en servir, et rien ne sort d'elle. C'est une terre vraiment qui ne profite pas. Et donc après le prophète, Rassam, il le dit, pourquoi il a donné ces trois exemples. Fakaza, donc ces exemples. فذلك مثل من فكها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Et donc, c'est comme, et ceci est l'exemple de celui-là, Fakuha, de celui-là qui a eu la compréhension fidine dans la religion, c'est-à-dire qu'il a eu la science de la religion, la compréhension de la religion. ونفعه ما بعثني الله به. Et Nafarhu, ça lui a profité ce que Allah Azzawajal a envoyé avec le prophète. Donc il en a profité. Fa'alima, donc il a su. Allama, et il a enseigné. Donc ça l'a profité pour lui-même, et en plus il a profité aux autres. C'est comme cette terre qui, quand une eau tombe, elle retient une partie de l'eau, donc les gens vont pouvoir boire de l'eau, et en même temps cette terre en profite parce qu'il y a du pâturage qui pousse. Et le deuxième exemple, et l'exemple de celui-là qui ne veut rien voir, c'est-à-dire comme on dit en arabe, il ne lève pas sa tête pour se dire que il veut rien faire, donc la science elle ne reste pas. Voilà, miyakbal, et il n'accepte pas, et donc là, donc la condition de l'acceptation, il n'accepte pas la guidée d'Allah, alladhi ursiltu bihi, celle que j'étais envoyé avec elle. Donc c'est comme celui-là qui la science va venir à lui, mais qui ne veut rien savoir, et donc il ne profite pas de la science et il n'en fait pas profiter. Et à savoir, il y en a qui, notre catégorie, qui est ceux qui prennent la science, en profitent pour eux-mêmes, mais n'en font pas profiter pour les autres. Et les autres, une autre catégorie qui est ceux qui prennent la science, qui n'en profitent pas pour eux-mêmes, mais qui les autres arrivent à en profiter. C'est-à-dire, par exemple, un munafiq qui va étudier, par exemple, le fiqh ou langue arabe ou autre, alors que ça se trouve même c'est un mécréant, il va l'enseigner, donc les gens, il va enseigner donc la langue arabe et certaines choses, donc là il n'y a pas de problème, les gens en vont profiter, mais lui il en a profité parce qu'il va mourir mécréant. Voilà, nous avons fini, inshallah, ce qu'a dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah par rapport à l'acceptation de cette parole, la ilaha illallah. Maintenant nous allons, inshallah, dans la notation, mais j'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire dans la notation, j'ai déjà dit. Sauf que ce hadith, c'était donc il est dans le Sahih, mais exactement il est dans les deux Sahih, dans le Bukhari Muslim, les Muttafaqun alayh, c'est au numéro 79 dans le Sahih Bukhari et au numéro 2282 dans le Sahih de Muslim. Et nous allons lire, inshallah, quelques versets de la sourate Sad, inshallah. Ce sont notamment les versets qui parlent de ce qui s'est passé entre Allah Azzawajal et Iblis. Donc Allah Ta'ala a dit dans Sourate As-Sad, à partir du verset 71. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Et lorsque ton Seigneur, donc Allah dit, interpelle son prophète Mohammed, et lorsque ton Seigneur a dit aux anges, certes, moi, je suis un créateur d'un être humain, mintin, à partir d'une argile, donc d'une terre boueuse, humide, d'une argile. Et donc si, quand je l'aurai parfaite, bien agencée, que j'aurai insufflé dedans de mon esprit, donc il aura mis la vie dans cette argile faite un corps humain, faire quoi ou là où sajidin, alors tomber pour lui en vous prosternant. Fasajad al malaika kulluhum ajma'un, alors les anges se sont prosternés, kulluhum, tous, ajma'un, tous, c'est ce qu'on appelle en arabe tawkid, le deuxième quand même c'est un autre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune exception, tous les anges se sont prosterné. Il l'a Iblis, sauf Iblis, comme je l'ai dit dans Sourate Al-Baqarah, il l'a Iblis, Kana min al-Jinn, comme c'est dans Sourate Al-Baqarah, Kana min al-Jinn, et Iblis est parmi les djinns, c'est pas parmi les anges. D'accord? Il est au milieu des anges. Sauf Iblis. Istakbara. Et il a fait le kibr. Istakbara. Kabra. Istakbara. Il a fait le kibr. Donc, c'est-à-dire quoi le kibr? Il a refusé le kaboul. C'est Adam le kaboul. Il a refusé Rod. Il a refusé cet ordre même d'Allah Azawajal. C'est pas seulement le fait de ne pas d'avoir désobéi, comme on peut désobéir à Allah Azawajal comme en faisant zina ou buvant de l'alcool ou autre. Non, c'est qu'il a refusé l'ordre même. Il a remis en cause l'ordre d'Allah Azawajal. C'est ça, c'est du kufr akbar. Et c'est l'essence même de ce qu'on appelle l'istihlal. Rendre halal ce que Allah Azawajal a rendu haram et rendre haram ce que Allah Azawajal a rendu halal. Il était donc devenu quoi? Parmi les kafirines, parmi les mécréants. À cause de ceci, à cause de ce kibre, cet orgueil. Attention au kibre. Car le kibre peut commencer par un petit péché, mais à force de faire du kibre, de faire du kibre, donc de refuser la vérité sur ceci, refuser la vérité sur cela. Et la deuxième chose, comme a dit le professeur de l'orgueil, c'est de mépriser. Donc mépriser ces gens-là, mépriser ces gens-là. Attention, cela peut aboutir à faire du kufr. À refuser un ordre d'Allah, à refuser l'ordre même, ou à mépriser quelque chose de la religion, et ces deux choses-là sont du kufr. Qol, ya Iblis. Donc Allah a dit, ya Iblis, ô Iblis, Azzawajal interpelle Iblis, ya Iblis, qu'est-ce qui t'a interdit de te prosterner pour ce quoi j'ai créé de mes deux mains, biyadei, de mes deux mains, astakbart. Am kunta min al-alin? Est-ce que tu as fait du kibr? Ou es-tu parmi al-alin, parmi ceux qui sont élevés? Oh, donc Iblis a dit, Ana khayrun minhu, moi je suis meilleur que lui. Subhanallah. Regardez l'orgueil. Je suis meilleur que lui. D'accord? Attention à ça. Par rapport aux races, par rapport au pays, par rapport à je ne sais quoi encore. Ou par rapport à quelqu'un, par rapport le fait d'homme et femme, un homme va dire, ah moi je suis meilleur, moi je suis un homme, c'est une femme, je suis meilleur que quelle. Attention à l'orgueil. Attention à tout orgueil. Ensuite, Iblis a dit, il explique pourquoi il se croit meilleur que cette boue alors que lui a créé de feu. Il le dit, tu m'as créé de feu. Donc, comme je vous le dis, Iblis, il reconnaît la seigneurie d'Allah. Il reconnaît que Allah Azawajal est celui qui a tout créé. D'accord? Il connaît Allah Azawajal. Et pourtant, c'est un kafir. Comprenez bien ceci. Donc, il a dit Allah Azawajal, Khalaqtani min nar, tu m'as créé de feu. Ou Khalaqtahu min tin, et tu l'as créé d'une argile, d'une boue. Et Allah Azawajal a dit, Fakhruj, alors sors minha, d'elle, de lui, du paradis. Fa'innaka rajim, alors quoi tu es lapidé. Wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din, et tu as sur toi ma malédiction jusqu'au jour ad-din, c'est pas le mot de la religion ici, c'est jusqu'au jour des comptes. Al-hisab, sachez-le. Le mot ad-din, ça veut dire soit religion, ça veut dire al-hisab, les comptes. Et quand on dit dans le monde inférieur, Malik Yomiddin, le roi. Malik Yomiddin, le roi du jour de Eddin, c'est pas le jour de la religion, c'est le jour des comptes. Du verbe dana yadinu. D'accord? Il a dit, oh mon Seigneur, oh mon Maître. Donc Iblis, malgré qu'il était là bien mécréant, il a reconnu que Allah c'était son Rabb, c'était son maître. Quand le Rabb, il a interpellé, il a invoqué, il a fait une doua, et pourtant il est toujours kafir. Donc ne vous méprisez pas. Donc ne vous faites pas leurrer, ne vous faites pas berner par ces gens qui sont des koufars, même s'ils se disent musulmans, même s'ils font la shahada, même s'ils pensent vraiment que eux-mêmes ils pensent qu'ils sont musulmans, mais qui font du kufr ou quoi, et qui reconnaissent que Allah est leur maître, ou que ce soit pour les chrétiens ou pour les juifs ou bouddhistes ou autres. Iblis a dit, Rabbi, oh mon maître, fa'anzirni, donc il a invoqué Allah, fa'anzirni, alors fais-moi patienter, donc ne me tue pas maintenant, fais-moi patienter, il a yomi yubrasun, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc Allah a dit, fa'innaka minal munzalin, alors certes toi, tu es parmi ceux qui sont ajournés. Donc il a répondu favorablement à l'invocation de ce mécréant, de ce pire mécréant. D'accord? Et sachez que certaines, la vocation à la base, l'invocation des mécréants n'est pas acceptée. Mais dans certains cas, la vocation du mécréant est acceptée. notamment un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah, que Al-Albani l'a authentifié, qui est cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب رواه أحمد عن أنس بن مالك وحسنه على البني رحمهم الله. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ceci: craignez l'invocation de celui qui est traité en injustice, de l'opprimé, soit qui a été qui a subi une injustice, al-madloum, qui a al-zalim, ism fa'il al-zalim, soit qui fait l'injustice, soit qui fait le zulm, l'injustice, et soit qui reçoit l'ism mafou, c'est qui reçoit l'injustice, al-madloum, d'accord. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqu dawat al-madloum, craignez l'invocation de celui qui subit une injustice. Wa in kana kafiran, et même si c'est un mécréant, et oui, faites attention musulmans et musulmane, si vous faites une injustice, même à un mécréant, sachez que si ce mécréant